Comment peut-on être suffisamment bon? Nous pensons, et nous avons sans doute raison de penser, que le mal est du côté de l'excès et que l'excès est toujours du côté du mal. Par exemple, que la violence a quelque chose d'illimité, d'infiniment destructeur et qu'il faut modérer ce désir de nuire, ce désir de vengeance, ce désir de guerre ou de cupidité, d'accumulation et de destruction. Ce que nous voyons moins souvent et qui a quelque chose de plus paradoxal, c'est que même le bien peut faire l'objet d'un désir excessif. De notre vie, dans la vie humaine, paradoxalement, il y a aussi le désir d'être parfait, le désir d'être parfaitement bon, cette demande infinie d'amour que nous avons peut-être raison de ressentir, mais qui, comme elle est peut-être inaccessible, irréalisable, produit en nous de la frustration et de la souffrance. Et peut-être y a-t-il, non seulement du côté du mal, mais aussi du côté du bien, une modération qu'il faut accepter comme la condition de la vie humaine, une modération qui, rappelons-le, n'a rien de simplement plat, limitatif, fade et mortel, mais au contraire qui serait le comble de l'intensité humaine, reconnaissant du côté du bien à la fois ce désir d'infini et la capacité à le modérer pour le rendre réalisable entre nous. Cette idée a été portée, c'est le cas de le dire, au XXe siècle, par le grand philosophe, médecin, pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott. Quand il a expliqué aux parents, et il s'adressait notamment aux mères, mais ça vaut pour les pères, qu'il ne fallait pas viser la perfection, l'amour et la bonté infinie, mais se contenter d'être, disait-il, suffisamment bon. The good enough mother, disait-il, la mère suffisamment bonne, car chacun d'entre nous est traversé aussi par du négatif. La perfection est peut-être impossible, mais il y a des critères très précis qui nous permettent entre nous et d'abord entre les parents et les enfants d'être suffisamment bons. Good enough pour permettre l'évolution et la liberté de l'autre. Et peut-être cette bonté modérée, être suffisamment bon, est-elle en fait le comble de la justice humaine, car cela fait justice non seulement par exemple à l'autre dans cette demande infinie dont Emmanuel Lévinas en France a été le défenseur, être totalement au service de l'autre dans la disproportion absolue en s'effaçant soi-même, mais non, être good enough, être suffisamment bon, c'est être aussi juste à l'égard de soi-même. Une mère, un père a certes ce désir infini du bien pour ceux qu'il aime, mais il doit accepter ses limites et aussi le fait qu'il est lui-même traversé de contradictions, que les relations humaines ont plusieurs termes, et accepter l'idée qu'être suffisamment bon, c'est peut-être être à la pointe extrême de la vie humaine et que cette modération du bien nous montre la profondeur de la modération entre nous.